your night. The way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. TSF Jazz. Tout le jazz est ici. Thank you. Retrouvez 59 rue des Archives, présenté par David Copéran et Bruno Guermont-Pré, tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur tsfjazz.com. Dernier chapitre de notre saga consacrée aux Jazz Messengers d'Art Blakey, 60 ans après l'album Monin et les concerts historiques en France, à l'Olympia et au Club Saint-Germain. On l'a vu, c'est peut-être parce qu'ils parlaient une langue universelle que les Jazz Messengers ont eu un tel succès. Qu'on les appelle messagers ou prêcheurs, peu importe, ils ont porté la bonne parole du jazz funky et soul, ce mouvement noir, puissant, lumineux, revendicatif, mais qui musicalement touchait à quelque chose de très authentique et populaire. En fait, avec cet album Monin et la tournée qui suivit, les Jazz Messengers auront fait énormément pour l'avancée du jazz, inspecteur Guermont-Pré. Aux États-Unis, l'album Monin va asseoir considérablement la notoriété du groupe, qui aura bientôt les honneurs du Festival de Newport à l'été 1959. Et c'est bien sûr en Europe, et en France tout particulièrement, qu'Art Blakey et ses messagers vont devenir des stars. Une sorte de revanche pour le batteur qui, un an plus tôt, on vous l'a raconté la semaine dernière, jouait devant des salles vides. Pourtant, malgré ce succès, ou plutôt à cause de lui, le groupe va bientôt se déliter. Oui, et dans les faits, la fin de la tournée en France marquera ni plus ni moins la fin du groupe. En tout cas, dans cette version-là. Après l'ultime concert au Club Saint-Germain, le 21 décembre 1958, les messagers reprennent l'avion pour les États-Unis. Et si Lee Morgan a ramené des cadeaux à sa famille, Art Blakey et Benny Golson, eux, vont avoir une petite explication. Ah oui ? On ne saura jamais vraiment pourquoi Benny Golson a quitté les Jazz Messengers, mais certains disent que le ténor en a assez de lutter face au coup de boutoir du batteur. Quant à Blakey, il aimerait bien retourner à un son un peu plus costaud. Et puis, il existe peut-être un différend financier entre Blakey et Golson. À Paris, le ténor, rejoint par Lee Morgan, Jimmy Merritt et Bobby Timmons, avait fait le piquet de grève rue Saint-Benoît devant le Club Saint-Germain. Ils estimaient qu'Art Blakey ne les payait pas assez. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. Ainsi, lorsque les Jazz Messengers font leur comeback au Birdland à New York au début de l'année 1959, Benny Golson a quitté le navire. Il sera remplacé par Hank Mobley, puis par Barney Whelan lors d'une nouvelle tournée en France, et enfin par un certain Wayne Shorter, qui emmènera les Jazz Messengers dans une nouvelle direction, signant pour le groupe des compositions de plus en plus ambitieuses. De son côté, Golson, lui, va créer le Jazz Tet avec le trompettiste Art Farmer, dans une veine très similaire aux Messengers de 1958. Malgré les divergences, l'apport de Benny Golson en tant que directeur musical et compositeur aura été déterminant. Ce qui a favorisé la popularité des Messengers, rappelle Jacques Pisseglia, c'était les compositions. Je crois vraiment que tous les thèmes étaient jolis, les gens pouvaient les retenir et les chanter. Mine de rien, ce n'était pas la même chose qu'un thème de Monk ou de Parker. Inspecteur Guermont-Pré, l'album Monin et les différents concerts de la tournée 58 sont les seules traces enregistrées de ces Jazz Messengers ? Eh bien non, David, car avant de rentrer aux États-Unis, le groupe va laisser un dernier souvenir à ses fans français, et ce grâce au travail de Marcel Romano. Un an plus tôt, le patron du Club Saint-Germain avait déjà servi d'entremetteur à Miles Davis et Louis Malle pour la bande-son d'Ascenseur pour l'échafaud. Cette fois, et puisqu'il a les Jazz Messengers sous la main, Romano va organiser pour eux une séance d'enregistrement qui va servir de bande originale à un film d'Edouard Molinaro. Son titre ? Des femmes disparaissent, ou la descente aux enfers d'un couple sur fond de gangstérisme et de prostitution. l'occasion de la sortie de ce film sort aussi un disque de la musique des femmes disparaissent. Je crois que vous avez utilisé, Edouard Molinaro, la même technique d'enregistrement musical pour les femmes disparaissent que pour un témoin dans la ville. Exactement, c'est une technique d'improvisation. D'improvisation. Oui, et il faut avouer que la musique de jazz, parce que vos musiciens sont des musiciens de jazz. Des musiciens de jazz et de jazz moderne. Et de jazz moderne, parce qu'il est certain que la musique de jazz a évolué tout de même beaucoup et que leur technique musicale est extrêmement poussée. Ils sont poussée. Tous pratiquement des adeptes de l'école du cool steel de Charlie Parker. Oui. Ils ont été tous pratiquement solistes avec Charlie Parker. Sans atteindre les hauteurs et le mystère d'ascenseur, la musique des Jazz Messengers soutient parfaitement le film de Molinaro. Et là encore, Art Blakey s'en remet au savoir-faire de Benny Golson comme compositeur. Puisque les délais sont très courts, nous sommes à la fin décembre, entre le concert d'adieu à l'Olympia et les derniers sets au Club Saint-Germain, Benny Golson ne va pas hésiter à recycler quelques mélodies dont certaines sont bien connues du public. Voilà comment dans le film, Whisper Note devient Ne chuchote pas. Et voilà aussi comment le thème générique d'à peine une minute servira de base à Blues on My Mind, un thème que Golson reprend avec le trompettiste Blue Mitchell quelques mois plus tard. Enfin, il existe au moins un enregistrement qui prouve que les Jazz Messengers se sont bien frottés aux musiciens français. Ainsi, le 12 décembre 1958, le trompettiste Roger Guérin est le leader d'une séance à laquelle participent Benny Golson et Bobby Timmons, rejoints par Pierre Michaud à la contrebasse et Christian Garros à la batterie. Et à entendre ce stablemate, l'expérience fonctionne plutôt bien. A noter que ce groupe hybride va reprendre Monin, et bien sûr, l'éternel Blues March. De retour aux États-Unis, ces Jazz Messengers vont se retrouver une toute dernière fois en studio pour ce qui reste une rareté, autant qu'une curiosité. Nous sommes au début de l'année 1959 et c'est une organisation méthodiste qui va s'attacher les services du groupe pour illustrer un film de prévention routière. Un dessin animé absolument improbable qui raconte les mésaventures d'un véhicule extraterrestre confronté à la circulation automobile. Ça s'appelle Stop Driving Us Crazy. You can call me Rusty. Oh, I'm not a car. I'm a spy from Mars. My mission? To scout this planet for... Oh, but let's begin at the beginning. Ainsi, en un an et demi d'existence, de la fin 57 au début de l'année 59, les Messengers auront marqué définitivement l'histoire du jazz. Et même si leur parcours se terminera en queue de poisson, on l'a vu, on peut dire sans trop se tromper que leur séjour d'un mois en France, il y a 60 ans, aura déclenché les passions. En janvier 1959, la revue Jazzot titre sur les Messengers d'Art Blakey à Paris avec en une cette immense photo du trompettiste Lee Morgan. À l'intérieur, les nouveaux du milieu du jazz sont passés au crible un par un sur une dizaine de pages. Musiciens, journalistes, jazz fans et mélomanes, tous garderont un souvenir ému des Jazz Messengers. Car après tout, rarement un orchestre aura aussi bien porté son nom. Inspecteur Guermont-Pré, il est temps pour nous de refermer cette enquête du 59 rue des Archives. Mais avant de prendre congé de vous, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Côté disque d'abord. Réédité dans la collection Jazz in Paris chez Universal, le live à l'Olympia 1958 est bien sûr un incontournable. Tout comme le double live au Club Saint-Germain, disponible en plusieurs versions chez Sony. Pour les complétistes, la bande originale des Femmes disparaissent se trouve plus ou moins facilement chez Fontana. À signaler en DVD ce film de la collection Jazz Icons qui reprend le concert de Bruxelles. Et enfin, en CD ou en vinyle, le très bon live in Scheveningen 1958 enregistré aux Pays-Bas, une archive qui vient de sortir sur le label Fondamenta. Côté livre maintenant. Outre les biographies d'Art Blakey et Benny Golson à lire en anglais, je vous en parlais la semaine dernière, les archives de Jazzot nous ont été d'une aide précieuse et certains numéros se chinent encore sur Internet. On vous renvoie aussi à cette copieuse anthologie parue aux éditions Philippaki, les années Jazz Magazine, dans laquelle sont repris un certain nombre d'articles d'époque qui nous ont servi de bible. Merci, inspecteur. Rue des Archives, Monin, l'album culte d'Art Blakey and the Jazz Messengers, l'épisode